J'entends les orateurs à la tribune et toutes ces promesses qu'ils ne tiendront pas. Demain ils vont nous décrocher la lune. Aujourd'hui ils veulent accrocher nos voix. Tous leurs débats ne sont que des joutes dans le grand carnaval du pouvoir. Par chance, il y aura toujours une route qui m'attend quelque part. Oh, j'entends que ça bouge aux frontières, bruit de bottes et mouvements de chars. Certains se réfugient dans la prière. La réalité fait peur à voir. Quand les colombes auront fait banqueroute, les faucons brandiront les étendards. Par chance, il y aura toujours une route qui m'attend quelque part. Et j'entends pérorer ce juge, sûr de son intime conviction, alors que tous les témoins le grugent. Il mène à charge l'instruction. L'innocent n'a même plus droit au doute. Cette justice tourne au cauchemar. Par chance, il y aura toujours une route qui m'attend quelque part. J'entends les adieux de cette fille avec des sanglots dans la voix. Loin dans le passé, une étoile scintille, celle d'un amour que je n'oublie.